J'entends un bruit. Ah, j'entends un bruit. J'entends un bruit. Un de campus, acouphène. Acouphène. Bonjour, tu écoutes Radio Campus. Moi, c'est Gérald et Pierre-Jean. Comment allez-vous? Ben, ça va bien. Et vous, Gérald, vous allez bien? Mais ça va bien. On dirait que c'est le début d'une grande aventure. Il me semble, et j'espère qu'elle sera longue. Qui est-ce qu'on reçoit aujourd'hui? Alors, Zoft, bonjour Nico et Damien. Bonjour. Voilà, donc c'est la première émission d'une grande aventure. Une grande aventure. Donc en gros c'est une nouvelle émission qu'on va vous proposer sur les gens qui font la musique. Voilà. Alors, ça peut être des producteurs, ça peut être des musiciens évidemment. Hein. Voilà, ça peut être un peu tout le monde. Les gens qui font la musique, voilà. Donc même le fan de base est le bienvenu ici. On l'accueillera à bras ouverts. Voilà. Qu'est-ce qu'on écoute là, Gérald, qu'est-ce en qu'on fait écoute? Mais donc c'est Zoft, c'est Exit. C'est la chanson d'ouverture de l'album qu'ils vont bientôt sortir. De leur premier album. De leur premier album. Et c'est quoi, ça se passe comment comme ça quand on est à l'aube de sortir ça? Qui commence, Nico, Damien? Oui, bon, je vais me lancer. Ben, ça se passe comment? Ben, on est un peu curieux vu que c'est le premier album qu'on sort ensemble, donc on va un petit peu voir comment est-ce qu'il va être reçu et tout ça. Et voilà. Ça fait longtemps que vous étiez un peu comme ça en train de préparer cet album ou c'est vraiment venu par hasard et c'est des concours de circonstances qui ont fait que? Non, on a bossé quand même pendant pas mal de temps ensemble. On a essayé avec d'autres musiciens aussi. Mais à la base du projet, c'était une rencontre entre moi et Damien, quoi. D'accord. Et je me permets de continuer. On a juste bossé pendant quelques années ensemble pour trouver un peu des langages communs et tout ça, afin de développer des trucs. On vient de milieux complètement différents. Et puis, à un moment donné, on a fait une rencontre où ça a pu lancer un peu le projet. C'était Rudy, qui était un joueur de tuba. Oui. Et on a commencé les concerts en trio, quoi. En trio. Et maintenant, vous êtes plus qu'à deux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Simplement, concours de circonstances, nos chemins sont séparés et voilà. Et là, on a décidé de continuer juste à deux, puisque finalement, on a essayé aussi avec un joueur de basse, une chanteuse électronique et des trucs comme ça. Et finalement, l'énergie qu'on dégageait à deux, je pense qu'elle était suffisante pour qu'on puisse continuer et développer aussi d'autres choses sur le côté, quoi. Et ça marche comment alors comme ça comment est-ce que vous travaillez à deux? Ouf, peut-être Damien peut en parler un peu. Qui est le créatif? Qui est le créatif? On fait tout à deux, quoi. Ça me perturbe à fond d'avoir la musique dans le fond, en fait, pour parler par-dessus. Donc comment ça se passe concrètement, comment on crée les morceaux ou... Nico vient avec quelque chose et puis vous fusionnez? Non, mais alors ici en fait, le projet donc en duo, on est parti en résidence en fait en Ariège, dans le sud de la France, au pied des Pyrénées, genre pendant presque un mois. Et en fait, c'est là qu'on a vraiment créé toutes les bases, quoi, pour ce nouveau projet-là en duo. Et après, on a continué à fignoler les morceaux, etc. Oui, c'est ça. Mais on avait des idées d'un setup qu'on a construit ensemble, entre guillemets. Donc, et on a commencé la construction avant de partir. Mais en tout cas, au niveau de la création des morceaux, elle s'est faite, comme tu dis, en Ariège, quoi. Ouais. Donc c'est un petit bébé français que vous avez là. Non, pas vraiment, mais... un petit bâtard. Ariégeois, déjà. Ah, Ariégeois, d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on va écouter, Gérald? C'est à Zoft. Nos amis sont venus avec des morceaux plein les poches. Donc, on va peut-être passer un morceau de votre album. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez envie de passer Je crois que ce qu'on avait amené, c'est L'Homme Machine. Oui, voilà. Parfait. Mais passons L'Homme Machine alors de Zoft. Vous auriez envie de dire quelque chose par rapport à cette track ou... Non, écoutez. Moi, je pense qu'il faut juste écouter aussi, ouais. Voilà, parfait. L'Homme Machine, Zoft. Thank you. Zoft, tu écoutes Radio Campus 92.1. Alors Pierre-Jean, on en est où ? Écoute Radio Campus, tu es fort. Merci. Alors, donc Zoft, donc groupe de musique. Ah bon ? C'est ça. Je pensais qu'on faisait du cinéma. Oh. Non, donc voilà, vous allez, je le répète, sortir votre premier CD tout bientôt. Vous allez partir en tournée. Ça se passe comment les tournées ? Comment est-ce que vous allez enchaîner ça ? Comment est-ce que vous avez trouvé les dates ? Vous savez un peu nous expliquer votre comment est-ce que vous avez le voilà. Pourquoi du comment ? Le pourquoi du comment ? Parce que vous avez pas mal de dates, je crois quand même. Hein, vous êtes parti pour. Ben ça va être notre troisième tour, mais bon voilà, Damien peut-être. Damien. Ouais, là on part 15 jours et on joue, je crois qu'on a deux, trois day-off, donc on va jouer genre 13 concerts, un truc comme ça. Ouais. Après voilà, comme dit Nico, nous, ça va être notre troisième tournée là. Rodé quoi. Comment ? Vous êtes rodé, je dis. Ouais, là ça commence. Bah ouais, parce que le set qu'on joue donc, de cet album là, ça fait quand même presque 2 ans maintenant qu'il a été créé, donc. Donc ouais. Là, on est quand même bien rodé, puis on est parti dans les Balkans avec. Ouais. On a déjà fait un tour en France, donc. Et là, vous partez dans quelle région ? Et là, on part donc en France, le centre, le nord, le sud, et on va aller à l'ouest aussi. Et puis, on va faire un petit crochet par Milan. En Italie, ouais. En Italie, ouais, voilà. Ouais, avec un groupe qu'on a rencontré ici. Enfin, on a eu le contact via eux, Fuzz Orchestra. Ok. Voilà. J'ai entendu, vous avez dit, vous avez fait un tour dans les Balkans. Vous savez un peu nous expliquer, c'est quoi cette histoire ? C'était une invitation en fait d'un groupe français que j'ai fait jouer à Bruxelles. Enfin, on s'est contacté via le net, etc. Puis, ils aimaient bien ce qu'on fait, donc ils nous ont invités sur un tour assez imposant quand même. On est passé par plein de pays des Balkans et ça a duré, c'était 3 semaines, un truc comme ouais, ça. Ouais, c'était 17 jours, un truc comme ça. 17 jours, sympathique. Voilà, bien. Beaucoup de routes. Voilà. Et ce sera de nouveau un peu dans ce style-là ou là, vous allez partir plus Oui, ce sera dans ce style. Enfin, ça reste un tour, hein, de toute façon. Voilà, on sera en bagnole, on roule, on s'arrête, on joue, on dort et puis on roule. Et les voilà. Extras, évidemment, on n'en parlera pas. Non, ça c'est... Et voilà, vous êtes sur un label aussi, Humpty Dumpty. Mmh. Vous savez un peu en parler ? Comment vous êtes arrivé là ? Qu'est-ce qui vous a permis ? Comment est-ce qu'ils vous ont repéré ? Voilà. Ça, je sais pas trop, mais en fait, c'est vraiment tout simple. Quoi. C'est, moi, j'ai envoyé une salve de mail à un moment donné à différents labels pour proposer de nous sortir. Quoi. Oui. Et voilà, c'est Christophe de Humpty Dumpty qui nous a répondu en disant qu'il était intéressé. Oui, apparemment, il nous avait vus en concert. Je crois qu'il nous avait vus bien avant, mais... voilà, donc ça s'est fait un peu comme ça, finalement, assez simplement, quoi. Okay. Puis après, le truc, c'est trouver des sous pour financer tout ça. Donc là, ça se fait comme on a fait ça avec Christophe, avec la communauté française. Mm-hmm. Tu vois, on était un peu subventionnés, comme ça. Et puis voilà. Oui, et avant, on avait fait une démo, 5 titres. Nous-mêmes, un peu, enfin, autoproduit avec quand même l'aide d'un ingé son, mais là, on voulait passer quand même un cap supérieur si on sortait sur un label. Oui, plus professionnel. Donc, ça a été une aventure un peu plus longue, quoi. Oui, carrément. Ouais, ouais. Mais un album, c'est pas rien, évidemment. Ça fait tout de suite grand monsieur, quoi. Hein, et puis, à la tournée, tout ça, ça en jette. Hein. Gérald, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Moi, je sais que tous les deux, vous avez une formation un peu particulière par rapport à la musique. C'est que vous n'avez pas spécialement étudié. Et vous êtes arrivé, Nico, je sais que la guitare, c'est un truc que tu as appris tout seul. J'ai quand même eu un petit peu de cours privés quand j'étais ado, mais pas longtemps, juste pour apprendre les bases. Voilà, Dorémy. Il n'y a pas de parcours académique, quoi. Non, ça c'est quand même pas mal, quoi. C'est passion, j'en sais rien, pratique, etc. Et toi, Damien ? Alors moi, j'ai fait quand même le solfège et tout ça, mais vraiment quand j'étais tout, tout, tout petit, quoi. Donc bon, je me suis empressé de tout oublier derrière, donc c'est vrai que ça compte pas trop. Oui. Et après, pour ce qui est de la batterie, en fait, moi, je joue de la batterie depuis vraiment pas longtemps, hein, parce que en fait, j'ai commencé quand j'ai rencontré Nico, donc ça date d'il y a 4-5 ans, un truc comme ça. Et pareil, ouais, la batterie, c'était vraiment un truc que j'ai appris en autodidacte total, quoi. Et c'est vraiment ça qui fait la caractéristique de Zoft, c'est que vous êtes un peu des autodidactes dans ce que vous faites et que vous... Bah, disons quand on a commencé, on a commencé par faire des recherches à deux, en fait. On se dit, ah ben tiens... Ça, c'est quoi ? Vers quoi ? Ben, on a commencé à prendre les influences de chacun. On va se dire, tiens, vers quoi on a envie d'aller ? Qu'est-ce qu'on a envie de bosser ? Tout ça. Et on a essayé de travailler un langage pendant un petit temps. Et donc, autant Damien pratiquer la batterie que moi aussi la gratte et casser un peu tout. Les codes, les évidences. Dans cette idée-là, on peut remarquer que votre musique a un certain style. Est-ce que vous la qualifieriez d'expérimentale, en tout cas dans sa démarche ou... Oui. Bah, moi, je pense qu'elle peut être considérée comme expérimentale parce que, après, le terme expérimental, c'est un terme qui est vachement galvaudé aujourd'hui, moi, je trouve, parce que c'est un terme qu'on utilise, en fait, qui est devenu un style, en fait. On parle de musique expérimentale quand on parle de certaines musiques électroniques, de certaines musiques improvisées, etc. Alors qu'en fait, pour moi, la musique expérimentale, c'est pas ça forcément du tout. La musique expérimentale, c'est le fait de faire une recherche et sans savoir exactement où on va. Quoi. On va une expérience, quoi. Voilà, de faire vraiment une expérience, mais ça veut pas dire qu'on fait pas quelque chose qui est vraiment construit au final. Et voilà, parce que c'est souvent ça l'image qu'on a de la musique expérimentale. Oui, un truc brôle, mal organisé, alors que c'est pas du tout votre cas, quoi. Non, nous, c'est très composé, c'est très organisé, mais après, c'est vrai que la démarche pour arriver jusque-là, elle a été profondément expérimentale parce que quand même, on a, je veux dire, à deux, on a bossé genre pendant 3 ans comme des tordus dans notre local où il fait froid. Ouais, voilà. Et tout. Et voilà, pendant 3 ans, on a répété, on a fait plein de trucs, plein d'essais, on a jeté plein de choses. Et c'était tout un processus, en effet, comme disait Nico, pour casser en fait tous des mécanismes préconçus, quoi, musicaux, ouais, qu'il y avait. Et parce que nous, on avait envie d'aller dans un truc avec toute une recherche au niveau du rythme, au niveau des textures sonores, pour Nico. Ouais. Et ce mécanisme était vraiment différent chez Damien ou chez moi. Enfin, on avait tous les deux des trucs. Et là, à un moment, enfin, je crois qu'on peut le dire, on a toujours des influences, de toute façon, quelles qu'elles soient. Oui. Mais à un moment, je me disais, tiens, mais on ne sait pas trop quand même où on va, quoi. Et ça, oui, c'était plutôt marrant. Ça, c'est cool. Ben oui, et de casser les automatismes. Dire, bon, ben, je tiens ma gratte comme ça, je fais ça comme ça, c'est pas... Voilà, je joue derrière ma tête. Voilà. D'autres l'ont fait avant vous, hein. Oui, ça c'est clair. Ok. Voilà. Donc, quand on parle d'où vous venez, vous n'avez pas un morceau qui vous aura influencé ou un morceau tout simplement que vous avez envie de passer, que vous avez envie de nous faire découvrir? Ouais, je crois que le premier morceau qu'on voulait passer, c'est Zoo. C'est ça. Voilà, donc c'est un groupe italien qui existe quand même depuis un sacré moment maintenant. Et ouais, qui est pour nous deux quand même une bonne référence, quoi. Ouais, qui a été une découverte quand même assez incroyable. Ouais. Est-ce que c'est des gens que vous avez rencontrés ou... Non, moi je les ai vus en concert et tout ça, mais on les a jamais rencontrés personnellement. Ok. Mais après d'ailleurs, c'est très rigolo parce que Zoo, en fait, c'est un groupe qu'on connaissait pas. Et en fait, un jour, on a fait un essai donc avec un clarinettiste basse que j'avais rencontré dans un atelier d'improvisation libre. Et puis, il est venu jouer avec nous. Puis juste après, il me fait « Mais putain, ça me fait vachement penser à Zoo, ce que vous faites. » Et alors, du coup, on a été écoutés. Puis, on a flashé à fond tous les deux. Parce que, puis de fait, il y avait vraiment un truc commun quand même autour de la recherche et tout. Wow. Donc voilà. Et ça s'invente pas, hein. Et ça, c'est leur dernier album donc, qu'ils ont sorti là chez IPCAC, le label de Mike Patton. Ok. Wow. Ouais, avec je crois que c'était le guitariste des Melvins aussi qui joue dedans. Et enfin, grosse production. Voilà, terrible. Donc, pour vous, c'est un gros coup de cœur. Ouais. Et une là, grosse influence aussi. Bon, on va s'écouter ça. À l'aise. Waouh, ça claque. Acouphène ! Gérald, vous nous rappelez où on est ? Radio Campus 92.1. Voilà, merci. Merci Gérald. Alors moi je voudrais continuer un peu avec des questions un peu plus profondes avec nos amis de Zoft pour savoir un peu quelle place ils pensent avoir dans le milieu musical en Belgique et surtout à Bruxelles, parce qu'on est quand même sur une radio un peu bruxelloise. Donc voilà, je sais pas qui peut commencer, Damien ou Nico. Vous vous placez comment sur la scène musicale bruxelloise? On se place comment sur la scène? On se place à côté en général. Oui, Damien plutôt à gauche, moi à droite. Et, ok. Et on se regarde. Non, plus sérieusement. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Voilà. Bah, ça, franchement, ouais, c'est pas évident à répondre. Bah, sur la scène musicale. Bah, le truc, c'est que nous, de toute façon, on évolue quand même dans un circuit vachement alternatif, quoi, et assez underground, quoi. Donc, voilà, que dire. C'est vraiment un truc, ouais, ça marche beaucoup du bouche à oreille, des contacts. Enfin, c'est vraiment un réseau parallèle, quoi, par rapport au réseau qui est plus mainstream, je veux dire, des salles. Voilà, comme l'ancienne Belgique ou le Botanique ou des trucs comme ça. Et comment ça marche alors? Je veux dire, parce que tu... Ok, quand t'es dans le circuit vraiment... pas normal, mais habituel, plutôt commercial, tu as une maison de production qui va t'emmener jouer dans certains endroits et tout ça. Là, tu te retrouves plus... vous vous retrouvez plus livré à vous-même et c'est plus vous qui devez aller de l'avant et aller chercher les gens directement, alors, j'imagine. Ouais, clairement, ouais. Bah, y a vraiment un truc où... De toute façon, nous, on fait tout nous-mêmes, hein, je veux dire... L'enregistrement de l'album, par exemple, je veux dire, c'est nous qui avons organisé et financé d'ailleurs aussi l'enregistrement. Après, quand on cherche des concerts, etc., on fait beaucoup ça nous-mêmes. Bon, maintenant, aujourd'hui, on a quand même une bookeuse, quoi, qui travaille avec nous. Enfin, une en Belgique et puis une en France, qui a organisé en fait la tournée là, qu'on va faire. Donc ça, c'est un peu récent. Mais sinon, jusque-là, on a toujours tout fait nous-mêmes. Est-ce que c'est votre force, ça, en fait, d'être des gars qui fassiez tout vous-même et qui ne demandaient rien à personne, entre guillemets? Vous êtes un peu vraiment des vrais indépendants ou... Bah, disons que dans ce type de musique, je crois, si, voilà, on est juste mordu ou pas, ou on a les contacts, ou je ne sais pas. Moi, je me suis pas posé la question de savoir exactement qu'est-ce qu'on visait. Oui. On a fait le projet, puis... Et vous voyez, voilà, quoi. On a cherché des vous dates. Vous expérimentez. Puis, Plus on a cherché des dates et plus on en a trouvé, plus aussi on nous propose des trucs à la longue. Donc voilà. Ouais, mais après, c'est vraiment pas un truc qui nous est particulier. Ça, c'est vraiment tous les groupes de cette scène-là font comme ça. C'est un milieu do it yourself, quoi. Ouais. Donc là, on a vraiment rien de particulier, quoi. C'est vraiment, non, mais... Tout le monde fait de cette façon-là, en fait, quoi. Parce qu'il n'y a pas... Enfin voilà, c'est un réseau qui fonctionne, ouais, qui fonctionne comme ça, quoi. Et du coup, mais par contre, c'est un vrai réseau, donc c'est assez chouette. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, être là-dedans, parce comparativement à d'autres circuits. Voilà, moi, j'ai fait, par exemple, la musique pour un spectacle de danse une fois, tu vois. Enfin voilà, j'ai évolué dans différents milieux, le milieu de la musique improvisée et tout. Il y a plein de portes qui s'ouvrent chaque fois à toi et qui te permettent de toucher plein d'autres choses que ton groupe. Tu peux faire d'autres... Non, enfin, oui, sans doute, hein, mais c'est pas ça que je voulais dire. Là, ce que je voulais dire, c'est que particulièrement ce milieu-là, de la musique un peu rock, expérimentale, underground et tout, oui. Que c'est vraiment un milieu très, très agréable, quoi, comparé, par exemple, au milieu de la danse ou quoi. Au milieu de la techno. Du théâtre. Le milieu des musiques électroniques, je connais pas trop, mais voilà, moi, je trouve que c'est vraiment un milieu très chouette, parce qu'en fait, il y a très peu d'enjeux financiers, parce qu'il n'y a pas d'argent, tout simplement. Oui. Donc, c'est qu'un milieu de passionnés, où les groupes, clairement, on ne gagne pas notre vie avec ça, je veux dire, on survit avec ça. Mm-hmm. Les gens qui organisent, c'est pareil, je veux dire, il y a vraiment un truc... Tout le monde est sur le même piédestal, ouais, et il n'y a ça, pas... Ça se fait au niveau aussi du contact humain, beaucoup, quoi. Voilà, enfin, les gens qu'on rencontre, il se passe un truc avec eux, ou il ne se passe pas, et en fonction de ça, enfin... Enfin voilà, on évolue, quoi. En fonction de ça, vous avancez ou pas, oui. La non-rentabilité comme ça de la musique, c'est pour vous une condition nécessaire, justement, au bon fonctionnement de ce réseau ? Non, moi, je dirais pas que c'est forcément nécessaire, parce qu'au bout d'un moment, il y a des gens qui arrivent à vivre vraiment de ce type de musique-là, mais disons que ça, pour moi, c'est plus que ça crée un rapport sain entre les groupes, avec les organisateurs, etc. Parce qu'il n'y a pas cet enjeu-là. Donc, par exemple, nous, ça nous est arrivé souvent de contacter un groupe par Internet qu'on ne connaît même pas, oui. Ou d'être contacté par des groupes, et les gars, ils te filent les contacts. Nous, la première tournée qu'on a fait, par exemple, on a joué avec un groupe qui s'appelle Le Singe Blanc, qui est un groupe de Metz en France, qui sont vraiment très sympas. Et ben moi, je les ai contactés par email. On s'était jamais rencontrés. Et les gars, ils nous ont embarqués sur 2-3 dates avec eux en tournée dans des chouettes lieux auxquels on n'aurait pas forcément eu accès sans ça. Donc, il y a vraiment un truc comme ça de. Ouais, relativement bienveillant, quoi, et d'entraide. Ça, c'est vraiment parce cool, que... du donnant-donnant, quoi. Oui, de rencontres, quoi, aussi, de chercher à rencontrer des nouveaux musiciens. Oui, voilà, ouais. Qui sont vraiment... Le singe blanc, vous les avez pas fait venir à Bruxelles, ou ils sont... Non. Oui, après, bon, ils existent depuis 10 ans, hein, maintenant, donc, pour jouer à Bruxelles, enfin, ils ont déjà joué, on avait joué avec eux à l'ouverture du magasin 4, là. Ok. Réouverture. À la réouverture, oui, voilà, pardon. C'est ça. Mais voilà, en tout cas, moi je trouve que ce truc d'argent, ça crée un rapport très sain, voilà, et il y a un truc une solidarité quand même, quoi, qui se met en place. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez qui peut se passer chez vous après le CD, en fait, et après bon, une tournée, encore une tournée peut-être, j'en sais rien, mais quelle est l'étape après le CD, vous pensez? Ben, faire des nouveaux morceaux, quoi. D'autres CD, quoi, c'est ça? Bon, on a aussi un petit peu participé à d'autres choses avec Zoft. Enfin, en tout cas, on a participé pour une pièce sonore, enfin, avec des acteurs et tout, un truc mix. On a peut-être là quelque chose qui va se faire avec des enfants, des ateliers, puis proposer des trucs qu'on sait faire pour la Zine que Parade. Et puis, ouais, on voudrait faire voilà, des nouveaux morceaux, un autre disque, enfin continuer à jouer simplement. Quoi. Une suite logique, quoi, oui, je comprends. Bah, là, on est quand même. Enfin, il y a différents projets, comme dit Nico. Il y a d'une part le truc avec des enfants, que ça fait un moment qu'on voulait faire. Et là, on a trouvé donc, un collaborateur qui s'appelle Jo Zanders, et qui est un gars qui travaille avec une fanfare faite uniquement avec des enfants à Molenbeek, qui s'appelle Fanfa Kids, et qui déboîte pas mal, quoi. Et du coup, il nous a contacté pour faire ce projet autour de la Zineke, autour de la lutherie sauvage, parce que nous, donc, on construit pas mal d'instruments nous-mêmes, de bidouilles, etc. Donc, on va faire une collaboration avec lui. Donc, ça, on espère que ça va pouvoir déboucher sur un projet. Et ça va donner quoi ? Vous allez jouer à la Zineke, ou les enfants vont jouer avec vos instruments, ou les instruments que vous leur aurez fabriqués ? C'est une espèce de, on peut dire, un truc du genre workshop, comme ça, Déjà, ils veulent changer un petit peu la donne de la Zineke, donc ils voudraient, avant c'était pas amplifié, seulement des percussions, des trucs comme ça, et là ils voudraient l'ouvrir justement à l'électricité, à l'amplification et tous ces trucs-là, donc ils nous ont contactés. Enfin, c'est surtout, comme disait Damien, la rencontre avec Jo, mais dans un certain sens, voilà, nous on voulait bosser avec des enfants, si on fait ce workshop, que quelque chose de chouette en sort, ben... Pourquoi pas continuer avec eux, quoi, et aller plus loin. Donc ça, c'est l'idée. Donc toujours dans l'expérience, mais en même temps, on voit un peu plus loin ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment génial. Et ce travail, ben là, vous parlez de travail avec les enfants. Vous avez déjà eu dans le passé un autre d'autres travaux comme ça, plus peut-être dans le social ou dans le. Ben, ça, c'est plus Damien. Hein. Moi j'ai un autre groupe donc avec des personnes handicapées mentales qui s'appelle le Wild Classical Music Ensemble. Et là, on existe quand même depuis 4 ans, je pense, comme ça. Donc il y a ça. Et après, moi, j'ai donné plusieurs fois des stages. Avec des enfants de lutherie sauvage, quoi. Donc avec des petits micros qu'on construit nous-mêmes et tout ça. Et puis on bidouille, on va à la déchetterie, on récupère. On trouve des instruments. On construit, quoi. Dans ce qui n'est pas forcément un instrument. Enfin, l'idée, c'est de. Et tu as une formation d'éducateur, c'est ça, Damien ? Non, pas du tout. Quel est ton... Tu dis que tu travailles avec des handicapés. Non, c'est juste en intervenant artiste, quoi. Voilà. Tu es arrivé comme ça, par hasard, dans ce milieu-là ? Non, pas par hasard, mais c'était une volonté, quoi, de travailler. Avec des personnes mentalement déficientes. Mais après, de toute façon, c'est toujours le même truc. Pour moi, ça participe d'une même démarche. Le fait qu'on veuille travailler avec des enfants ou le fait que moi, je travaille avec des personnes handicapées, c'est pareil, en fait. C'est une démarche expérimentale de travailler avec des personnes qui sont non-musiciennes à la base et qui, du coup, pour moi, ont une approche vraiment qui peut être très, très intéressante et où par une économie de moyens... Comme les personnes n'ont pas forcément de formation musicale, on va trouver et découvrir des nouvelles choses. Quoi. Des choses sans automatisme. Quoi. Voilà. Donc ça rejoint votre ligne de conduite. C'est vraiment un travail continu, un travail cohérent dans toute sa ligne. Mm-hmm. Bon, après ça, j'écoute quand même du heavy metal, mais bon. Oula. Moi aussi. Pas bien. Ok. Vous avez amené un disque de heavy metal pour qu'on puisse partager. Oui, je vais vous passer Metallica. Non, Mais d'ailleurs, on s'écouterait pas. Qu'est-ce qu'on s'écouterait quelque chose pas d'autre? Ah ben, le, normalement, le deuxième morceau qu'on allait vous proposer, c'est un duo allemand que j'ai vu dernièrement au magasin 4 il y a pas longtemps. Et ça a été la grosse claque. La grosse claque, voilà. Encore une fois. Donc, mais... je voulais vous faire partager ce groupe qui visiblement n'est pas très connu. Et qui s'appelle comment ce groupe? Ça s'appelle Schnack. C'est Tiki, Schnack. C'est ça. Tiki, ben on s'écoute ça. À l'aise. Tiki de Schnack sur Radio Campus. Voilà, c'est ça. Radio Campus 92.1. 92.1 en région bruxelloise, évidemment. Et partout dans le monde sur Internet. Voilà, voilà. Alors, on a ici avec le groupe Zoft, Damien et Nicolas. Toujours présents sur le pont. Hein. Sur le pont d'Avignon. Alors, donc Damien, tu nous parlais un peu des projets que tu faisais avec des, enfin, d'un projet que vous allez faire avec des enfants à la Zineke Parade. À la Zineke Parade, voilà. Il y a encore d'autres projets dont tu auras envie de parler. De parler et de promotionner. De promotionner. On est là pour parler de votre actualité, les amis. Hein, ne l'oubliez pas. Bah le nouveau, bah c'est juste le nouveau projet là sur lequel on est en train de bosser. Parce que tu demandais qu'est-ce qu'on comptait faire après l'album et tout ça, et nous l'idée c'est de dans le futur de faire un nouveau setup, donc creuser un peu la démarche un peu plus loin, quoi. Ouais, Enfin, voilà. C'est un peu ça. Ouais, enfin, comme on est rentré dans un truc quand même qui est assez fort axé autour de la lutterie sauvage, donc du circuit La de bending. récupération, ouais. Enfin, oui, bah, tout ce qui est bidouille, quoi, vraiment en tout genre. Oui, parce que quelque chose qu'on n'a pas dit aussi, c'est. Circuit c'est bending. Ça, c'était. Ouais, circuit de bending. Parfait. Joli. Donc, circuit bending, pour ceux qui ne savent pas, voilà. C'est le fait de récupérer des jouets et d'en extraire le circuit électronique. Des vieux jouets des années 80. Et de le bidouiller, c'est ça? Bah, circuit bending, c'est un peu la torture sur les circuits des jouets, quoi. Mais voilà. Bon, c'est assez empirique. Tu ouvres le jouet, il y a la plaque du circuit avec enfin, tout le bordel de l'intérieur. Tu voilà. prends des pinces crocodiles et tu cherches où faire déconner le jouet. Bon, après, il y a des trucs qui sont un peu de base sur tous ces jouets, genre les pitchs et des trucs comme ça. Mais voilà. Ce genre-là, par exemple, voilà. Ok. Et quoi et ça se passe comment? Enfin, attends, je voulais ouais, juste pardon, dire un ouais. truc, c'est que le circuit de bending, finalement, on ne l'a pas beaucoup utilisé dans Zoft. Hein. Non, ça s'entend. Juste au départ, enfin, sur la première démo 5 titres, il y avait un peu de circuit de bending. Mais après, on est parti sur un autre truc, comme disait Damien, plus lutterie sauvage. Mais là, on a construit des sculptures sonores, donc avec des pick-up de guitare piezo et des moteurs en fait. Et ça se passe comment alors comment est-ce que vous partez de rien et que vous commencez, voilà, on va créer un instrument. Comment ça se passe? Ça fait un peu nous expliquer. Comment on crée un instrument? Ben là, disons que le truc des sculptures sonores, par exemple, donc ça c'est ce qu'on utilise pour le moment et c'est ce qu'il y a sur l'album et qu'on vient de sortir. Là, c'est venu en fait de la réflexion que comme on était juste à deux, on avait envie, en fait, parce qu'il y a pas mal de duos, par exemple pour le moment dans le rock. Et nous, on n'avait pas envie d'être juste un duo guitare batterie, voilà, comme très classique. Et du coup, donc, on s'est dit, on va essayer de construire un dispositif qui fait qu'on peut déclencher plein d'autres sons en même temps pour avoir un truc vraiment... symphonique, presque. Ouais, enfin, voilà, quoi. Oui, avoir beaucoup plus de possibilités au niveau des couches, au niveau du son, quoi. Voilà, pour pas avoir un truc tout basique, quoi. Et du coup, de là, de fil en aiguille, on a réfléchi à deux. Et là, voilà, il y a vraiment un truc où Nico va venir avec une idée, puis moi, je réponds, puis il répond, et puis ainsi de suite. Et puis ça s'amplifie. Et puis au bout du compte, on tombe sur une idée. On se dit, OK, on va faire des sculptures sonores avec des petits moteurs. On va les déclencher. Et puis voilà, quoi, l'idée s'affine comme ça. Et puis, est-ce qu'il y a aussi cette recherche, au moment où vous construisez vos instruments, où vous êtes en train d'assembler quelque chose, est-ce qu'il y a aussi cette recherche de ne pas trouver l'automatisme, de dire, tiens, je ne vais pas mettre de manche pour avoir un confort pour jouer, de me dire, tiens, je fais vraiment un instrument qui a quelque chose de complètement rien à voir, quoi, tu vois. Donc un corps qui est un peu à l'envers, j'en sais rien, mais pas trouver un truc, je dis, j'ai besoin d'un manche pour jouer, ou j'ai besoin d'un clavier, ou quoi, d'être vraiment en rapport avec votre démarche, qui est de chaque fois pas avoir d'automatisme et de partir dans l'expérimentation. Là, je ne sais pas si de toute façon on peut parler d'automatisme, parce qu'on part avec des matériaux. Après, on teste un peu... Quel genre de matériaux? Là, entre autres, c'était des matériaux de récup, un peu. C'était des morceaux de bois, des morceaux de guitare cassés, des trucs ressorts. Comme ça, des ressorts. Et donc, là, ça s'est fait différemment, parce qu'on est parti de dispositifs avec des moteurs. Donc déjà... Il a fallu chercher un petit peu autour du moteur, comment on peut capter les sons, comment il peut jouer avec la matière. Ouais. Et voilà, mais donc, je ne sais pas s'il y avait une idée prédéfinie en construisant les choses. Enfin, je sais. Il y avait juste l'idée de construire des choses qui fonctionnent avec des moteurs, quoi. Mais après, si tu veux, pour répondre à ta question, après c'est de la pure recherche empirique, quoi. On est là, on a nos matériaux et puis on met un micro, on a fait plein de tests avant de tomber sur des trucs qui fonctionnent vraiment. Voilà, mais donc, c'est ça que je voulais savoir. Il y a le côté, c'est hyper empirique, parce que tu peux pas designer le truc dans ta tête, faire un plan et puis le construire, quoi. Non. C'est vraiment un truc où on fait des recherches et puis au bout d'un et moment tu vois ce que dessus. Ça donne. Et tu modifies au fur et à mesure. Enfin, limite. Ouais. Peut-être maintenant on pourrait faire un plan d'un truc, quoi. Mais là, bon, on est parti dans la construction comme ça, hop, et on a designé les sculptures comme ça, quoi. C'est là en prenant un peu du jus, en en acquérant un peu plus d'expérience alors que ça se passe comme ça. Oui, bah disons que maintenant, c'est ça la prochaine étape justement là, dont je parlais, c'est que maintenant, donc le prochain set qu'on veut faire, ça va être avec encore plus de bidouilles. Et, moi, par exemple, je suis en train d'essayer de construire une batterie entièrement moi-même, donc qui ne sera pas acoustique, donc qui sera uniquement électroacoustique, donc avec des plaques en plexi, des câbles en métal, enfin voilà, tout plein de trucs. Donc là, par exemple, là, c'est pareil, quoi. Pour le moment, je suis vraiment en train de faire plein de recherches, de matières, de trucs. Voilà, des fois, j'ai des idées dans ma tête, et puis je teste et ça ne marche pas du tout, et puis je tombe sur un matériau, je l'essaye, et puis ça fonctionne. Par hasard, ça marche, c'est génial. Ça. Ouais, voilà, et du coup, ça, c'est l'idée du prochain set, quoi. C'est que la batterie sera toute nouvelle et tout à fait différente. Nico, il va aussi construire peut-être aussi des trucs plus autour du circuit bending et des choses comme ça. Ouais, voilà, ça c'est donc, on peut peut-être faire un appel pour nos auditeurs, vous cherchez des jouets et des choses éventuellement, voilà, si vous les avez envoyer. Des fonds de grenier ou dans votre cave, et des morceaux de bois, vous pouvez nous... Je crois que vous avez une camionnette en plus, donc vous vous déplacez dans toute la région bruxelloise. Et quoi, vous faites les brocantes alors, les marchés aux puces pour trouver un peu les perles rares? Non. C'est plutôt, Damien, tu parlais de décharge. Ouais, c'est ça. Donc moi, c'est je suis plutôt abonné à la déchetterie. Ouais. C'est plus mal, du recyclage que de la récup. Enfin, oui, c'est ça. C'est de la récup, quoi. Mais après, le truc, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ce qui est relativement fou, quoi, mais en fait, on ne peut plus rien aller récupérer dans les déchetteries, quoi. Pourquoi ? Parce que, au bout d'un moment, c'est vraiment devenu trop le foutoir sur les déchetteries. Et donc, il y a eu des lois qui sont passées. Les gars sur les déchetteries, en fait, ils ne peuvent plus rien récupérer, même pour eux, quoi. Alors qu'il y a des tonnes de trucs dans les déchetteries qui sont encore en bon état. Bien sûr. Enfin, moi, j'avais travaillé quand j'avais 16 ans dans une déchetterie avant cette toile-là. Donc là, on récupérait tout plein de trucs, quoi. Et puis j'étais retourné pour récupérer des choses et les gars m'avaient dit désolé. Maintenant, il y a des caméras partout. Enfin voilà, quoi. Ils peuvent plus faire ça. Mais j'ai quand même trouvé une petite déchetterie. Ouais, voilà. Il faut avoir ces petits contacts. Les mecs veulent bien me laisser. Comme partout. Hein. Me laisser aller chercher. Mais oui, ça, c'est toutes des lois pour l'écologie et pour les. C'est la valorisation des déchets, ça vaut de l'argent maintenant, donc peut-être que... Ouais, il y a ça, mais après... Après, quoi. Mais ce qu'il y a surtout, c'est... Enfin, moi, les gars, en tout cas, mais c'était près de Namur, hein. Les gars, c'est parce que... En fait, c'est des gars qui gagnent pas grand-chose, quoi, en faisant ça. Donc, en fait, ils récupéraient plein de choses et puis ils les revendaient, etc. Brocante. Ça faisait... Donc, voilà, donc la déchetterie devenait un peu la brocante, donc... Je crois que c'est plus ou moins toujours d'actualité. Si je bosse dans une déchetterie, je vois une super guitare dans un truc, je la prends. Tu vas pas faire « Ah non, c'est pour la poubelle hein, !» Ils ont tous un accent comme ça, Gérald. Ah bon? Non, mais du coup, voilà, on va faire les déchetteries, puis tout ce qu'on peut récupérer un peu qui traîne. Ouais, voilà, enfin, genre la gratte que j'ai fait là pour Zoft, c'est une que j'ai trouvée sur eBay pour 40 balles, et puis... Puis après, je l'ai bidouillé avec un luthier, machin. Et bon, si je dois reconstruire, normalement, c'était l'idée de reconstruire encore deuxième instrument à cordes. Ce sera un truc récupéré d'une vieille guitare ou d'une vieille basse ou que sais-je, quoi. Vous avez un site internet, je crois. Hein. Oui, donc www.soft.be. Ok. Est-ce qu'on peut voir sur votre site les photos de vos instruments qui sont des œuvres d'art, on peut dire, à part entière? Il n'y a pas beaucoup de photos, en fait. Hein. On ne voit pas vraiment. Normalement, il faudrait qu'on mette ça un peu plus en avant, en fait, clairement. Ouais, mais... on est... Normalement, il y aurait une vidéo, en fait, d'ici 2 mois, un truc comme ça, 2-3 mois. Depuis un an. Ouais, voilà. Et... Bon, voilà, normalement, on devait voir. En fait, c'était dans la conception du site, mais on est un peu à la bourre pour la vidéo. Bah, vous ne pouvez pas être sur tous les fronts, c'est normal. Hein. Voilà. Ouais, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on va écouter comme morceau, là, Gérald? On a quelque chose encore à se mettre sous la dent? J'espère. on va écouter un autre morceau de votre album, peut-être. Oui. Donc, Marque Blanche. Ouais, écoutons Marque Blanche. Allons-y, Marque Blanche, Zoft. C'est parti. Tu écoutes Radio Campus. We'll be right back. Non, tu parles, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, ma gorge est toute sèche. Donc, tu écoutes Radio Campus. Quelle fréquence déjà? 92.1. Voilà, voilà. Pierre-Jean. Gérald. Avec Zoft. Voilà, mais on arrive tout doucement à la fin de cette émission, peut-être que... De cette première. De cette première émission, de cette grande première, voilà, sur les voilà. Ondes. Alors, Zoft, Martin... Martin, oui, Zoft, Jean-Paul. Albert et Georges. oui, Joséphine. Zoft, tiens, c'est, voilà, c'est une question qui me vient comme ça, ça tombe un peu de nulle part, mais c'est pas grave. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que, ou c'est un mot qui vous est venu comme ça? Bon, ça, là, on se regarde avec Damien. Bon, ça, c'est Zoft, c'est un truc qui vient de Rudy. Oui. Donc, quand on était en trio, donc Rudy, joueur de tuba. Et selon lui, le Zoft, en je ne sais plus quelle langue, roumain ou autre, ça signifiait le jus qu'il y avait dans le fond d'un plat aux tomates, en fait. Voilà. Et c'est un peu ce qui vous correspond? Ouais, non, ouais, c'est un délire comme ça. Sauf que le truc qui est rigolo, c'est qu'après, donc, on est parti dans les Balkans et on a demandé dans les pays. Et en fait, il y a personne qui. Voilà, non, en plus, c'est un gros délire. J'ai rencontré une Roumaine dernièrement, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, ah tiens, Zoft, c'est bien ça. Elle m'a dit, mais non, pas du tout. Et ça veut dire autre chose ou ça veut juste rien dire? Non, je pense que c'est juste rien dire. C'est aussi un chewing-gum qui rallonge. Les seins, mais bon, c'est pas grave. Mais ça vous correspond vraiment bien, le jus, parce que voilà, vous êtes un concentré énergétique, un peu de... Vous êtes toutes les vitamines qu'il y a dans un fruit, presque, on pourrait voilà, dire. Bah, on dit que le Zoft, donc dans le plat de tomates, c'est un peu le meilleur. Voilà, bah, ça me correspond tout à fait. C'est... N'oubliez c'est toujours pas d'agrémenter de Zoft. Hein, c'est les poivres et tout ça. C'est ça. Et par rapport à votre actualité, là, vous allez bientôt passer au Botta. Damien, je crois que tu as la date. Oui, oui. Donc, on va passer le 26 octobre au Botanique. Au Botanique. Botanique, on jouera à la Rotonde. Et donc, c'est une soirée qui est organisée par Humpty Dumpty. Par la communauté française. Il y aura d'autres groupes aussi, je crois, non? C'est pas la communauté française, c'est Humpty Dumpty. C'est notre label qui organise la soirée. Par Marie-Hélène. Voilà. On avait dit pas de marque, Gérald. Et c'est une soirée pour les 5 ans du label, en fait. Donc voilà, et donc il y a différents groupes qui jouent. Ouais, on jouera avec Tazio and Boy, Kay Branding, South of No North et Claire Louise. Je crois que c'est tout. Ça va être génial, on y sera en tout cas. Bien joué, oui, nous on sera de la partie. Et nous on joue en premier, donc il faut venir tôt. Voilà, un rendez-vous à 18h. Okay. À 3h30. On va jouer vers 20h30, 21h, je crois, un truc comme ça. Et c'est à la Rotonde ou à l'Orangerie? Voilà, mais ce sera sur les 5 ans du label, sera sur 2 salles. Hein. Il y aura l'Orangerie et la Rotonde, donc je pense que ça va switcher d'une salle à l'autre. Ok. Hein. Oui, oui, oui. Comme ça, c'est du non-stop. Voilà. Tout à fait. Parfait, parfait, mes amis. Ben, écoutez, pour cette première, je pense qu'on peut vous dire merci et vous dire bonne chance, surtout parce que vous allez partir en tournée. Et, Voilà, on y est bientôt. Voilà, c'est chouette. C'est une aventure qui commence pour vous et pour nous. Bonne mère pour votre CD. On ne sait pas encore. On sait qu'il est distribué par pièces, mais on ne sait pas encore où est-ce qu'il va sortir. Normalement, oui, sorti le 25 hein, octobre. La veille juste un peu, de votre concert. Voilà, tout à fait. Et au niveau de la distribution, on verra hein, par pièce. On va dire qu'il sera dans tous les bons bacs. Voilà. Hein, comme ça, tout le monde est content. Les bons bacs. Les bons gros bacs. Voilà, voilà. Ok, chouette. Ben, merci beaucoup en tout cas d'être venu et d'avoir un peu parlé de votre expérience. Et d'avoir ouvert les hostilités avec nous. Merci beaucoup en tout cas. Ben, merci un à petit vous. Coup de rien du tout. Voilà, génial. Les hostilités. À la prochaine. On va s'écouter une dernière track de votre album. C'est Coït. C'est sur Radio Campus. C'est 92.1. Coït, pardon. 92.1, merci. Ici, Radio Londres. Je vous ai compris. Zoft, c'est ça? Non, pas du tout. Voilà.